brume. Le bébé venait de grandir tout d'un coup. Le froid, l'expérience plus lourde que la paille. Devant, magnifiquement, sans les frais, à lui-même, sans parents.